Mosaïque. Bonjour à toutes et tous, amis fidèles auditeurs de la radio Isanganiro. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Mosaïque, aujourd'hui nous allons parler médias, information et démocratie. En effet, le 7 novembre de chaque année, c'est la journée panafricaine de l'information. Quel est alors le rôle des médias dans le renforcement de la démocratie au Burundi? État des lieux, défis et perspectives. La loi sur la presse burundaise de 2018 prévoit à l'article 45 que le journaliste exerce son métier en toute indépendance et en toute responsabilité sur l'ensemble du territoire national du Burundi. Dans l'exercice de son activité, il a libre accès aux sources d'informations et peut enquêter et commenter librement sur les faits de la vie publique. Dans l'exercice de leur métier et selon l'article 49, le journaliste et les techniciens d'information ont droit à des facilités qui leur sont consenties par l'État en vue d'accomplir leur mission. Pour étudier ensemble ce rôle des médias dans le renforcement de la démocratie au Burundi, nous nous appuyons comme d'habitude sur les avis et considérations de nos invités sur le plateau. Et ils sont à trois pour le moment. Honorable Terence Manirambona, député, un homme politique de l'opposition, vous êtes le porte-parole du parti CNL, Congrès National pour la Liberté. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Claude Ngurunziza, vous êtes le directeur de la radio-télévision REMA, journaliste. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Nous sommes aussi avec vous, Léandre Sikuyavuga, également journaliste, directeur des publications du groupe de presse Iwachu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Nous attendons à tout moment l'arrivée d'une quatrième invitée. Il s'agit de Nancy Ninete Mutoni, commissaire nationale chargée de la communication au sein du parti CNDD-FDD, Conseil national pour la défense de la démocratie, et force de défense de la démocratie, le CNDD-FDD parti au pouvoir. Nous l'attendons incessamment. La mise en onde est assurée par Eric Ouimana, réalisation de Jérôme Nionzima, prise d'image par Dorine Ouimana et Renaud Nionheza, et au micro, Léon Sebitaliho. Encore une fois, bonjour ou bonsoir et bienvenue à cette émission. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ma première question permettait que je l'adresse à Nancy, porte-parole du parti au pouvoir, mais elle n'est pas encore arrivée. Mais Claude Ngurunziza, de la radio-télévision REMA FM, comment se porte la situation des médias aujourd'hui au Burundi? Pluralité des médias, liberté d'information, accès à l'information. Vous êtes un directeur d'une radio-télévision. Merci beaucoup. Toutefois, je ne suis pas bien placé pour quand même répondre à une question qui allait être adressée au porte-parole du parti au pouvoir. Mais toutefois, puisque c'est une question... C'était une question partagée. J'allais la poser. Puisque c'est une question qui me concerne directement parce que ça parle des médias, ça parle de la pluralité médiatique. Oui. D'ailleurs, c'est très bien. Nous sommes ici. Déjà, nous sommes deux à la tête des médias. C'est déjà... aux plusieurs. Reste à savoir ce qui passe par ces médias, si ça reflète la pluralité médiatique comme on le veut. Je crois qu'également, c'est vrai, s'il y a une certaine pluralité ici au Burundi. Et puis, je crois qu'il y a d'autres indicateurs dont vous avez parlé dans votre question, qui sont des fois des agendas qui nous sont dictés des fois sans toutefois savoir pourquoi on parle maintenant de pluralité médiatique au Burundi. Est-ce que c'est une question? Est-ce qu'elle s'oppose? Nous avons plus d'une trentaine de radios. Sûrement, nous avons un problème avec la presse écrite par rapport au marché qui n'est pas aussi grand pour pouvoir permettre une certaine éclosion. Les Burundais ne sont pas de grands lecteurs. Des grands buveurs. Non. Pas de grands lecteurs. Ils lisent. Ouais. Mais des fois, on se pose la question. Peut-être qu'au niveau de nos productions, que ce que nous écrivons, ça n'intéresse plus peut-être ce que veulent lire la presse burundaise. Peut-être également que notre culture ne favorise pas à ce qu'on puisse puissent lire les journaux, surtout quand on sait qu'il y a une radio qui est née en média de l'instantané, qui a déjà donné l'information. Malheureusement, heureusement, il y a également une autre sorte de médias qui sont les médias sociaux qui commencent même à s'y planter, les médias classiques. Donc, on ne peut pas ne pas décrire. Les médias sur l'Internet. Sur Internet, même WhatsApp, même Facebook, même tout ce qu'on veut, on peut communiquer, on peut donner une information à partir de ces médias dits sociaux et ça commence à s'y planter, même les médias classiques. Oui. Est-ce que c'est la même lecture que vous avez, honorable Terence Manirambona du parti CNL? Bon, merci de la question. Les médias, effectivement, sont devenus aujourd'hui comme des lieux, je dirais, d'élite, d'influence et même de pouvoir. Ici, au Burundi, visiblement, on dirait que le secteur médiatique a évolué. Mais je dirais que il n'est pas en bonne santé. Il n'est pas... ou bien il est en panne même. Ceci pour dire que nous manquons encore du professionnalisme par rapport à nos médias. Ou bien il y a même certains médias qui se présentent comme des caisses de résonance du parti au pouvoir, ou du régime en place. Caisses de résonance, est-ce que vous pouvez expliciter un peu? Comme des instruments. Donc, certains médias qui sont comme des instruments du pouvoir en place, même du parti au pouvoir. Il est vrai que nous avons beaucoup de médias. Si on parle, par exemple, des stations confessionnelles, même si on dénombre plus de 30 stations de radio, alors qu'il y a 10, par exemple, d'obédience confessionnelle, et où aussi on voit que les médias privés, aujourd'hui, manquent réellement d'indépendance, sans pourtant évoquer le cas des médias publics. Qui sont totalement ou même exclusivement réservés, je dirais, à ceux qui parlent le même langage que le parti au pouvoir ou le régime en place. Est-ce qu'il ne peut pas arriver à ce que des partis politiques soient un obstacle au fonctionnement des médias? Je ne sais pas ce qu'il en est pour le parti CNL, par exemple. Quoi qu'il en soit, ce qu'il vient d'exprimer, je viens de... Vous avez senti quelque chose? Non, j'ai senti en tant quelque que chose. Directeur, non, j'ai senti quelque chose. Ce que je viens de dire, ça ne sort pas d'une étude. C'est une opinion que son parti a et ce n'est pas scientifiquement vérifié. Moi, je suis un homme politique. Je raisonne un homme politique. Bien sûr. Vous vous sentez accusé d'une certaine manière. Plutôt, il y a un manque d'exactitude dans ce que je viens de dire. En tant que média, nous avons... Ça va. Quand même, vous les pointez des doigts. Où est le problème? Mais pas vraiment. Si c'est vraiment... Non, il n'y a pas de problème. Honorable Manirambona Terence, vous parlez tantôt vous disiez tantôt des médias qui sont considérés comme des caisses de résonance pour le parti au pouvoir. Est-ce que la radio-télévision Rema est concernée? Moi, j'ai parlé de façon générale. De façon générale. Si la radio, télévision, Rema est incluse. Isanganiro, Journaliwachu. Mais en tout cas, si on essaie de comparer dans une certaine mesure, on voit que la presse privée aujourd'hui n'est pas vraiment indépendante. Je n'ai pas voulu évoquer les médias publics. Parce que là, c'est, comme je le disais, c'est réservé exclusivement, si on peut dire ainsi, à ceux qui parlent le même langage que le parti au pouvoir. Les médias publics. Sinon, pour les médias privés aujourd'hui, ça commence aussi à comme je disais, à ne pas bien marcher. Je disais en panne parce qu'on voit que, deux fois, comme nous les hommes politiques, il y a des fois où on refuse le droit d'accès, si vous voulez, même. À ces radios. Est-ce que c'est facile, honorable Manirambona, pour les journalistes et les médias d'avoir des informations auprès des responsables du parti CNL? Bon, des fois, on les invite même. Il y a ceux qui revisent à venir. Et ceux qui viennent, des fois, nous disent que quand ils arrivent dans leur, je dirais, entre guillemets, état-major de les radios, on leur refuse de diffuser les informations qu'ils ont reçues de la part de notre parti, de notre formation politique. Dans ce cas, vous comprendrez que s'il y a cette... on essaie de distiller l'information, alors on prive on prive au consommateur de l'information, l'information réelle qui devait être diffusée, mais alors qui est canalisée dans le sens du parti au pouvoir ou bien de l'administration pour dire que des fois l'information est diluée. Information diluée. Qu'en est-il pour le journal, le groupe de presse Iwachu, Léandre Sikuyavuga? Alors, pour cette question, je dirais que juger un média d'être important ou non important, ça dépend de plusieurs éléments. D'abord, il ne suffit pas qu'on ait beaucoup de médias, que le public qui est censé être servi par les médias en information est satisfait. Donc, il y a plusieurs facteurs. Je peux citer par exemple la liberté et l'indépendance des médias. Si un médium n'est pas libre, si un médium n'est pas indépendant, il est difficile qu'il donne une information de qualité, une information équilibrée à la population, au public. Alors, pour avoir cette information, il y a aussi plusieurs critères. D'abord, une information, on la cherche. Un média, un journaliste... On la cherche sur le terrain. On la cherche sur le terrain. Un journaliste n'invente pas. Il dit, il écrit ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu. Alors, qui sont censés de lui donner cette information? Il y a d'abord la population, mais il y a également les officiels. Alors, si les officiels, certains officiels, ne sont pas prêts à donner une information, il est vrai que la qualité de cette information ne va pas satisfaire le public. Ça, c'est un point. Aussi, la population. Si cette population n'est pas sensibilisée aussi à donner de l'information aux médias, à dire voilà pourquoi les médias, pourquoi vous devez donner de l'info aux médias. Qu'est-ce que c'est pour son intérêt? Donc, il y a plusieurs facteurs pour juger donc, la situation des médias ici au Burundi. Donc, des sources de l'information, vous parlez essentiellement de la population, les simples citoyens, mais aussi des officiels pour avoir la version officielle pour équilibrer l'information. Où se trouvent les difficultés, où se trouvent les facilités pour avoir cette information et la diffuser auprès des citoyens, des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs? D'abord, je dirais, il y a la rétention de l'information de certains officiels, pas tous. Il y a certains administratifs qui ne veulent pas donner de l'information aux médias. Surtout qui étiquettent certains médias, et surtout les médias privés. Et normalement, un administratif, il est là pour l'intérêt du public, pour l'intérêt de la population. Alors, s'il est là, il est supposé donner de la lumière, éclairer l'opinion. C'est bien lui qui devrait permettre aux journalistes de dire, voilà, là où la population ne peut pas arriver, moi, je donne la lumière sur telle ou telle situation. Alors, s'il retient les informations, vous comprendrez quand même que la population, donc ça va impacter négativement à la qualité de l'information que vont diffuser les médias. L'information n'est pas équilibrée. Est-ce que il y a lieu de la livrer comme vous l'avez eu sans une autre version, peut-être? Normalement, une information doit être équilibrée. Oui. Alors, si vous manquez, normalement, bon, c'est ce que font les médias. Bon, les médias sont sérieux. Donc, un tel responsable vous refuse de donner une information. Bon, vous vous débattez pour un autre. Alors, pour une même information, vous pouvez contacter 3, 4, 5 officiels. Et voilà, les 3, les 4 peuvent vous refuser. Et le 4e peut vous donner une information. Et de cette façon-là, vous équilibrez l'information et le public reçoit une information de qualité. C'est un problème, Claude Nkurunziza, de la radio et télévision RMA FM. D'un point de vue, je crois qu'il a raison. Il y a toujours des gens qui ont peur de la presse. Il y a toujours des gens qui auront toujours, qui feront toujours la rétention de l'information. Donc, sur son point de vue, je crois qu'il a raison. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a également cette façon d'étiqueter des médias. Et quand on étiquette un média, pour moi, ce n'est pas un problème. c'est pas une raison de dire que l'information ne peut pas passer. Et puis l'information, quand on parle de l'information, tout d'abord, c'est quoi? Le problème se trouve là. On parle toujours information, information, on ne donne pas de l'information, l'information n'est pas équilibrée, mais comment et comment? Mais la raison, tout d'abord, il y a des faits. L'information peut être rapportée. Les faits. L'information peut être commentée. L'information peut être expliquée, analysée. Les politiciens viennent quand il s'agit de commenter seulement. Mais ça ne veut pas dire que l'information n'a pas passé par qu'il n'y a pas des faits qui sont vérifiables sur terrain. Donc, pour moi, je crois que j'ai la chance plusieurs fois de ne pas rencontrer des gens qui font la rétention de l'information, sauf le CNL. Le CNL nous a déjà deux, trois fois. Même j'ai invité quelqu'un du CNL au studio qui a répondu à l'invitation. Était-ce là? Il a dû s'expliquer, c'était pas celui-là. Il a dû s'expliquer. C'était pas celui-là. C'était pas honorable Terrence. Non, c'était pas honorable. Il a dû s'expliquer. Alors qu'il ne venait pas parler pour le parti CNL. Il venait comme quelqu'un qui maîtrisait un sujet donné. Mais il a dit s'expliquer. J'ai dit, écoutez, je mets en danger les gens de ce parti. Alors, pourquoi? Ah bon? Il y a beaucoup de médias maintenant, nous avons de la chance. Beaucoup de médias même, beaucoup de moyens de communication également. Donc, ils peuvent avoir choisi de communiquer par rapport à certains médias ou par rapport à utiliser d'autres canaux. Je me souviens même le jour des élections. Vous vous souvenez des élections, le triple scrutin, qui a refusé à ce que les journalistes puissent entrer dans le bureau de vote où le président du CNL était. C'était Andy CNL également. Et pourtant, on a accusé d'autres personnes, alors que c'était même ce qui accompagne le président de son parti, qui ont refusé à ce que nos journalistes qui travaillaient au niveau de la synergie puissent entrer dans le bureau de vote. Dans le bureau de vote. Pas dans l'isoloir. L'incident, vous vous souvenez de l'incident? Ça, je suis sûr. Bon, passons, il y a Nancy Ninette Moutoni qui vient d'arriver. Nancy Ninette Moutoni, bonjour d'abord. Vous êtes la commissaire chargée de l'information, de la communication au sein du parti CNDD-FDD, parti au pouvoir. On est en train de parler de l'apport des médias dans le renforcement de la démocratie au Burundi. Une question vous a été réservée. Quelle serait la situation des médias aujourd'hui au Burundi? On a parlé de pluralité des médias, et liberté d'information, accès à l'information. Et il y en a qui sont en train de dire qu'il y a des officiels qui retiennent l'information, qui refusent de donner l'information alors que ce sont des officiels. Il devait fournir l'information pour que les citoyens puissent être informés en temps réel et avec une information équilibrée. Nancy Ninette Moutoni. Bonjour ou bon après-midi d'abord. Salutations également aux autres invités de l'émission et également aux auditeurs et ceux qui suivent l'émission via les autres canaux de communication en ligne. Donc, cette question de la liberté d'expression ou de la rétention de l'information. Je me dis d'abord, actuellement, en 2020, quand même au Burundi, on ne peut pas se plaindre de la rétention de l'information. Il y a plusieurs canaux d'accès à l'information et puis les officiels qui sont habilités à donner l'information font de leur mieux pour répondre aux besoins des journalistes, parce que c'est d'abord leur rôle de distribuer, de transmettre l'information. Et d'ailleurs, nous félicitons tous les journalistes qui font des efforts dans ce sens, oui, afin de renforcer cette culture démocratique qui est ancrée dans notre belle République. Nous sommes vraiment satisfaits quand même, actuellement, il n'y en a pas qui se plaignent qu'il y a la rétention de l'information. Et si jamais il y en a, je me dis que, puisqu'il y a des structures très bien habilitées pour le faire, il y a des solutions. Il y a des solutions qui vont être trouver de commun accord. Et c'est d'ailleurs même ce genre de plateforme dans lesquelles nous sommes en train de nous exprimer, on peut dégager des solutions et des voies de solutions par rapport à cette problématique. Est-ce que vous sentez quelque part qu'il y a des difficultés pour les médias? Bon, écoute, les difficultés ne peuvent pas manquer, mais je ne pense pas être la mieux indiquée pour le dire. Mmh. Mais comme dans tout métier, il doit y avoir des défis. Hein, mais je me des dis... risques aussi, Nancy. Bien entendu, c'est un métier comme tant d'autres. Il y a des risques, il y a des opportunités, mais aussi il y a des... Il y a des défis. Les défis ne peuvent pas manquer. Et je me dis d'ailleurs qu'actuellement, les médias traditionnels font face à ce défi, à ce problème de l'émergence des médias en ligne, de l'émergence des blogs, des web-tv aussi. Mais c'est une pluralité aussi qui va aider au public d'avoir plus de sources d'informations diversifiées. Et je me dis aussi que si c'est exploité d'une façon responsable, ça peut contribuer efficacement à l'accès à l'information par la population. Et c'est ce que nous souhaitons, car en tant que politique, c'est primordial que l'information passe dans les deux sens, du peuple vers les autorités et des autorités vers le peuple. Et le seul canal qui, jusque-là, s'est montré efficace, c'est les médias. Il y a le directeur général de la radio télévision REMA, Claude Nkurunziza, qui accusait le parti CNL de retenir de l'information pour ce grand média. Qu'en est-il pour le CNDD FDD? Est-ce qu'il n'y a pas rétention de l'information? Bon. Disons, il n'y a pas de rétention d'informations du côté du parti CNDD-FDD, hein, sinon nous ne serons même pas ici dans ce débat, n'est-ce pas? Mais sinon, je reste toujours accessible et tous mes canaux de communication restent ouverts à la presse. Peut-être que c'est aussi parce que je suis aussi journaliste, je sais ce que ça fait hein, de manquer l'information. Je suis là. Seulement, des fois... c'est fatigant. Non, c'est pas fatigant, c'est notre rôle. Mais des fois aussi, la presse, il y a des questions qu'ils posent aux politiques qui ne leur sont pas destinées. Et dans ce cas, il faut être flexible. Les politiques ne répondent pas. Il faut accepter. Et Terence Manilambona, est-ce que vous répliquez par rapport à ce que vous a dit tantôt le directeur de Radio-Télévision REMA? Effectivement, j'ai à dire à propos de ce qu'il a dit. D'abord, c'est peut-être de lui informer que je suis le chargé de la communication, secrétaire national de la communication du parti CNL, et à mettre à porte-parole du parti. C'est pour dire que si vous avez besoin de quelqu'un qui s'exprime au nom du parti, on passe d'abord par les canaux officiels. Et je remercie les médias qui le font. S'ils ont besoin de quelqu'un pour s'exprimer par rapport à un point ou à un autre, ils nous approchent. Et là, vous répondez par un oui ou par un non? Toujours oui. Toujours oui? Oui. Sûr? Sûr. Et certain. Mais aussi... Des fois, des non sont nécessaires. Non. Moi, des fois, je dis non. C'est ça la vérité. Des fois, vous dites non. Moi, j'ai toujours répondu oui à toute invitation. Mais malheureusement, ce qui est aussi un peu paradoxal, c'est qu'on a toujours invité des médias. Quand nous avons, par exemple, un point de presse, une conférence de presse, il y a certains médias qui ne répondent pas, dont la radio aussi, Télévision Lema. Ah, c'est finalement... Donc, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui croche. Il y a quelque Deuxième chose... Souvent, c'est un parti qui n'est pas également trop vieux, c'est un parti jeune... Nous livrons des invitations. Par rapport au nom, peut-être, je ne sais pas. Peut-être à ce moment, il n'était pas là, qui n'a pas vu qu'on a été là. Je me souviens que je n'ai jamais eu une invitation. Comme vous parliez des canaux qui sont connus, des canaux officiels. Également, s'il faut nous inviter, il faut nous inviter officiellement, finalement. Mais si on est à la recherche de l'information, qu'on puisse y aller, qu'on puisse trouver des problèmes, avoir des problèmes avec nos journalistes, pourquoi y aller? Parce que la sécurité du journaliste, c'est tout d'abord. Elle est compte beaucoup. C'est moi qui avais la parole. Il faut d'abord me laisser terminer. Hein. Sécurité des journalistes? Non, ici, ce n'est pas une question de protocole. On m'a posé une question, alors je devrais répondre. Hein. Répondez, mais... Hein, parce que je termine aussi. Oui, honorable. Hein, bon. Intervention. Oui, vous pouvez essayer de vous résumer avant que je ne passe le micro à Léandre. Je disais ceci parce que quand on commence à accuser, hein, ça commence à avoir une autre connotation. Mais ce que je disais, c'est tout. Ne vous accusez pas. Nous avons toujours donner des invitations. Ne vous accusez pas les uns. Une autre intervention, c'est par rapport à ce que nous avons connu très récemment. Des fois, certains médias qui nous refusent même le droit de réponse. Moi, je me rappelle quelqu'un, un chef, un rédacteur en chef d'un médium, à qui nous avons demandé le droit de réponse. Il nous a répondu qu'il a eu une injonction comme quoi toute vérité n'est pas bonne à dire, entre guillemets. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, c'est pour montrer, comme je disais, je l'ai dit au début. Et au début, l'information était passée par le même médium. Même médium. On demande le droit de réponse et on nous répond qu'on lui a donné une injonction qu'il est interdit à ce qu'on puisse donner cet espace aux praticiens. Léandre Sikuyavuga du groupe de presse Iwachu, des facilités, des difficultés auprès des partis CNDD, FDD et CNL. Quelle est la situation pour le groupe de presse Iwachu? D'abord, la thématique, c'était le rôle. Donc, le rôle des médias dans le renforcement de la démocratie au Burundi. Très bien. Alors, si on comprend que la démocratie, telle que l'a définie Lincoln, oui. C'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Oui. Donc, vous comprenez que là, la souveraineté appartient au peuple que nous servons. Alors, dans nos démocraties, notamment le Burundi, le peuple exerce justement cette souveraineté. Par le biais des représentants. Oui. Alors, c'est justement ces représentants qui devraient nous donner l'information afin qu'on éclaire la population. Oui. Parce que normalement, c'est cette population qui était supposée exercer cette souveraineté. Mais puisque c'est impossible, voilà, elle est déléguée. Voilà. Alors, maintenant, je comprends mal comment certains officiels refusent aux médias, peut-être à certains médias, dont l'Omnium et quelquefois, de donner une information, alors que cette information est capitale pour le public, pour la population qui l'a mis au pouvoir. Peut-être qu'ils considèrent qu'ils ont un autre canal pour communiquer à la population. Un autre canal. Alors, de toutes les façons, ce n'est pas à l'église, ce n'est pas à la mosquée que la population apprendra ses droits, que la population va exercer justement sa liberté. C'est de par les médias. Les médias, justement, un médium, c'est un canal d'expression. D'où, justement, les officiels devraient faciliter aux médias de répondre aux questions des médias afin, justement, que la population sache ce qui est en train d'être fait. Parce qu'ils sont là, à cet moment, il faut que ces responsables sachent qu'ils ont un devoir de redevabilité à la population. Et quelque part, il y a Nancy Ninette et Mutoni, porte-parole du parti CNDD, FDD et FDD au pouvoir, qui disait que des fois, elle dit non à des journalistes qui demandent de l'information. Est-ce qu'elle vous a dit non un jour, deux jours, trois jours? Mais monsieur le journaliste, non, c'est une réponse, hein, n'est-ce pas? Mais non, c'est une réponse. Et puis, le non peut être cité, à moins que les règles de l'art ont changé depuis. Hein, mais quand même, avant, quand on disait non, on pouvait dire ça, de ça ce peut côté, être une astuce pour vous, Léandre. Oui, le non, oui, d'accord. Mais ça dépend de quel genre de non. Oui, de non. Alors, il y a une information capitale pour l'intérêt, justement, de tout du public. Alors, de toutes les façons, je ne vais pas lui demander, voilà, comment ça va, etc. etc. Non. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. De par ses fonctions, de par la place qu'elle occupe, si je l'appelle, si je lui téléphone, c'est que j'ai une information quand même importante. C'est mon devoir. Okay? Alors, si le nom se répète quand même à maintes reprises, quelquefois, il faut, madame, dire un oui. je dis souvent oui, hein, quand même. Souvent, c'est oui. Quelquefois, c'est non. Souvent, c'est oui. Quelque part, on parlait de risques du métier. Il y a toujours des risques du métier. Il y a quatre de vos journalistes qui sont en prison à Bouvanza depuis le 22 octobre 2019, c'est ça. Ils ont même été condamnés. Votre lecture, c'est comment, Léandre Sikuyavuga? Notre lecture, c'est justement, c'est très injuste. que des journalistes soient emprisonnés pour avoir fait leur travail. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Dit que les journalistes, voilà, ils ont entendu des informations circulées sur les réseaux sociaux. Normalement, un médium sérieux, il doit vérifier tout ce qui se dit. Parce que le problème maintenant que nous avons, vous parlez justement des difficultés au niveau des médias. C'est cette pluralité des médias, surtout les médias sociaux. Maintenant, avec les médias sociaux, tout le monde prétend être journaliste. Il pense que, voilà, le message qu'il donne, c'est ça, l'info, c'est la vérité qui est là. Alors, notre rôle comme médium, bon, j'allais dire, bon, voilà, qui est justement là pour servir la population, on doit justement vérifier. C'est ce qui a poussé justement nos journalistes. Lorsqu'ils ont entendu et lu sur les réseaux sociaux qu'il y aurait un groupe armé, donc des affrontements avec les forces régulières. Alors, en cet moment, quand même, c'était trop. C'était trop. Alors, il fallait aller vérifier les formations au terrain. C'est notre credo. Notre credo, c'est vérifier et douter de tout. Douter justement de ces informations qui viennent de partout et de nulle part. Alors, lorsqu'ils sont là, voilà, d'abord, ils avaient entendu l'audio du gouverneur de la province d'alors, qui appelait la population maintenant à vaquer à ses activités parce que, disait-il, maintenant la situation est maîtrisée. D'où justement les journalistes, ils sont partis de leur volonté pour voir justement si ce qu'ils ont lu, ils ont vu au niveau des réseaux sociaux était vrai. Alors, arrivés là, ils ont été appréhendés par la police. Avant qu'ils ne fassent... Ils avaient déjà commencé à travailler, à chercher de l'information. Non, non. OK, voilà, ils disent, bon, voilà, vous, vous êtes de quel médium, etc., etc. Hein? Donc, vous, non, vous devez répondre, justement, de votre présence ici. Alors que, justement, ils étaient à Mossigate et toute la population était au chef-lieu, à cet endroit. Donc, pour eux, ils devraient commencer à demander à cette population, qu'est-ce qui se passe? Mais avant même de poser la question, voilà, ils sont arrêtés. Et voilà, maintenant, une année, presque un mois. Alors, lorsqu'on parlait de la liberté et des médias, ça, c'est quelle liberté? Bon, moi, je pense que ça, peut-être, ça dépasse un autre cadre, mais quand même, c'est dur que... Et il y a quelqu'un qui me faisait remarquer. Quand même, un homme politique que je respecte, disait que, qui fut même journaliste, disait, dans l'histoire contemporaine, c'est justement la première fois que quatre journalistes dans ce médium soient arrêtés et emprisonnés en même temps et pendant cette période. Une année et plus, c'est long ou c'est correct? C'est toujours là. Ces journalistes qui sont en prison. Je ne suis pas un juge, ce n'est pas moi qui. Je ne suis pas un juge, je ne suis pas en tribunal, ce n'est pas moi qui ai qualifié l'infraction commise. Mais d'un autre côté, il y a eu, parmi les journalistes, d'ailleurs, il y a une qui a travaillé chez RMA. C'est le deuxième qui trouve des problèmes quand il va travailler chez Iwachu. Le premier, je ne trouve pas. Le deuxième, c'est Madame Agnès. Mais ma question, pareil, ne se trouve pas là. Ma question, elle est celle-ci. Plutôt, pourquoi les responsables d'Iwachu ne sont pas emprisonnés? Parce que la loi de la presse... Les responsables de Watch. Les responsables de Watch. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'on il fallait mettre pas. En prison les responsables de Watch. Tout d'abord... Ah bon? Les responsables du groupe de presse. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit. Les textes réglementaires. Quel texte? Quel texte? La loi sur la presse. La loi sur la presse. Tout d'abord, s'il y a eu... Mais c'est qui devrait être emprisonné? Qui a envoyé? Est-ce que... D'abord, pourquoi emprisonné? Bon, avant d'emprisonner, qui a envoyé? Je ne devrais pas dire moi, pense... J'ai des soucis à voir Les journalistes emprisonnés, alors qu'il y avait des responsables qui étaient les premiers à envoyer les journalistes. Quand il y a un journaliste de RMA qui va sur le terrain, il ne va pas de sa propre volonté. Je l'envoie. Donc, Est-ce que vous avez tenté d'envoyer des éléments, des journalistes sur ce terrain-là, en 2019, où vous n'avez jamais eu cette idée? En 2019. Donc, sur le même terrain que où les journalistes d'Iwatch ont été attrapés. Avant d'être journaliste, je suis citoyen comme tout le monde. Si jamais j'avais eu cette information, tout d'abord, j'aurais dû demander à la police ce qui se passe. Je n'allais pas vérifier sur terrain une information que je pouvais avoir à partir des institutions qui sont habilitées à donner des informations en rapport avec la sécurité. Et quand c'est déjà dans la sécurité, on peut encore relire la loi sur la presse. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, je ne veux pas ajouter beaucoup sur ce point. Oui, elle est dit d'emprisonner les responsables des médias. Je ne suis pas là. Ah là là. Je ne suis pas là. Mais la question, elle est là. Elle est posée. Est-ce que vous avez quelque chose à dire Monsieur le porte-parole du parti CNL, Terence Manilambona, et la question vous sera posée, Nancy Ninette Moutoni du CNDD-FDD. Bon, ce que j'ai à dire à propos de cet emprisonnement des journalistes du groupe de presse Iwachu, ça rejoint ce que j'ai dit au départ. En tout cas, les médias burundais, je dirais, ont beaucoup de difficultés. Je me demande pourquoi aujourd'hui les gens se rabattent beaucoup plus aux réseaux sociaux. Il est vrai, c'est une de nouvelles technologies, etc. Mais le manque d'informations, des fois, équilibrées, si vous voulez, ou bien le manque des médias indépendants, pousse les gens à beaucoup plus se fier aux réseaux sociaux. Et des fois, aujourd'hui, nous recevons beaucoup d'informations de par ces réseaux sociaux. Il y a des vidéos, des audios, etc., des messages. C'est pour montrer qu'effectivement, il y a un problème. Il y a un problème. Sinon, que les journalistes fassent leur travail en conformité avec la loi, comme le disait Léandre, c'est leur devoir. Il ne faut pas aussi priver l'information à la population. On avait tous besoin de connaître qu'est-ce qui se passait à Bouanza à cette époque. Donc, pour montrer qu'effectivement, il y a un problème. Si quelqu'un ou un médium cherche à donner d'informations bien fouillées, bien vérifiées, et qu'il se heurte à un obstacle qui n'est pas conforme à la loi, donc c'est pour montrer quand même que nous avons cette soif de médias indépendants qui se fait sentir, surtout durant cette période. Nancy Ninette Moutoni, un mot à placer. Bon, rapidement, en fait, d'abord, ce que l'honorable Terence dit, que les réseaux sociaux peuvent résulter du manque ou je dirais de... Sur les réseaux sociaux, chacun s'exprime comme il veut. C'est une tendance mondiale. Il y a des vérités, il y a aussi des mensonges. C'est une tendance mondiale et ce n'est pas spécifique au Burundi. Et puis, avec l'émergence, comme je le disais tout à l'heure, l'émergence de ces réseaux sociaux, de la culture de l'information en ligne, nous devons faire très attention à la désinformation et aux fake news. Donc, comme journaliste, je l'ai bien dit avant, on a besoin de leur rôle comme canaux de transmission de l'info et de traitement de l'info. C'est normal. Et c'est dans les deux sens. Parce que les politiciens ont besoin de l'information. En tout cas, les citoyens ont besoin d'être informés. Mais même les autorités ont besoin d'être informées des réalités sur terrain. Oui. Donc, les préoccupations du peuple, n'est-ce pas? Mais alors, avant d'être journaliste, on est d'abord burundais. On est citoyen. Et en tant que citoyen, nous avons des droits et nous avons des devoirs envers la patrie, envers la mère patrie, le Burundi. Donc, il y a des situations qui nous poussent à dire aussi que les médias, des fois, ils font entrave à la démocratie. Les médias peuvent constituer un danger pour la démocratie. Parce que les médias peuvent, être comme défenseurs d'opinion, c'est normal, sont défenseurs d'opinion, mais à accaparer l'opinion publique, là aussi, il y a un excès. Et c'est pour ça qu'il y a des textes. Et là, vous allez dire que les autorités publiques doivent être vigilantes face aux médias. À tout ce qui se dit. Parce que la désinformation, les fake news, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Ça peut aussi exister sur les médias traditionnels. On est en train de le suivre même pour les élections aux États-Unis. Ils ne donnent pas la même information. Donc, il y a la désinformation et les fake news partout. Donc, en tant qu'autorité, en tant que peuple, la vigilance s'avère. Et donc, nous devons d'abord savoir notre rôle d'abord en tant que peuple, en tant qu'autorité, et savoir le rôle des médias dans tout cela. Parce qu'après tout, ils ont aussi des tendances à protéger. Et puis, les journalistes, les groupes de presse, ça appartient à des particuliers qui ont des tendances et des intérêts à protéger. Et tous ces intérêts-là, s'ils sont menacés, bonjour la désinformation, bonjour le déséquilibre, bonjour la manipulation de l'information. Alors là, le peuple est laissé à lui-même. Et puis, il y en a qui viendront dire, ah non, les journalistes, leurs droits, c'est très bien. Je suis journaliste aussi, je le suis toujours d'ailleurs. Oui. Nous avons des droits. Mais avant d'être journaliste, nous sommes des citoyens. Et nous avons cette citoyenneté à protéger aussi. Et en tant que citoyen, il y a des textes. Il y a des textes. Et il y a le code pénal aussi. Nous sommes des Burundais avant d'être des journalistes. Et c'est un métier. C'est un métier. Nous devons être des Burundais. Nous devons, pas seulement pour les questions de sécurité, même pour les questions de mœurs, même pour les questions de culture. On ne peut pas se dire, on est journaliste, on va tout dire. Non, quand on est Burundais, on est Burundais d'abord. Est-ce que vous estimez qu'à cette époque-là, en octobre, le 22 octobre 2019, est-ce que vous estimez que les citoyens ont été informés sur ce qui s'est passé dans cette province-là d'Ouaz? Bien sûr. Ils ont été informés. Bien entendu. Il n'y a pas qu'un seul média au Burundi, je me dis. Oui. Isanganiro. Parlons de la richesse ou pauvreté des médias. Nancy Ninette et Mutoni, vous êtes porte-parole du parti au pouvoir. La loi sur la presse, en son article 60, prévoit un fonds d'appui aux médias, aussi bien publics que privés. Des dotations budgétaires annuelles de l'État sont prévues, des concours des bailleurs de fonds aussi. Qu'est-ce qui manque pour mettre en place ce fonds? Est-ce que vous en savez quelque chose, Nancy? Bon, nous suivons de près la politique nationale sur la communication et le fonds des deux médias. Je me souviens, à une époque, nous avons eu accès à certains financements. On parlait de ce fonds depuis la loi sur la presse de 2003. De 2003, mais en 2012, je pense, hein, même en 2011, il y a eu des formations, il y a eu des dotations en équipement et puis... Le fonds d'appui aux médias, sans vouloir vous offenser, je ne pense pas que ce fonds puisse contribuer aussi à la liberté d'expression, comme vous le dites. Je n'ai jamais entendu de la presse indépendante réclamer un fonds de la part du gouvernement. Jamais. Bon. Un défi parmi tant d'autres, Léandre Sikuyavuga. Oui, c'est un défi majeur, parce que une info, ça vaut un prix. Oui. Une information, on la cherche. Comme je vous ai dit, un journaliste, il ne rêve pas. Il doit chercher l'information où il peut la trouver. Alors, ceci suppose plusieurs facteurs, plusieurs conditions derrière l'information. Derrière l'information que le public reçoit, il y a beaucoup de choses qui se font en amont. D'abord, on se déplace. Se déplacer d'abord, ça suppose... se déplacer avec un véhicule. Un journaliste qui va sur terrain, il doit manger, il doit, bon voilà, et avoir de l'eau. S'il doit passer la nuit là-bas, bon voilà. Donc c'est arrivé, voilà, il va traiter l'information avant de la diffuser ou bien de avoir sa parution. Donc il faut la traiter, donc aller à l'imprimer, etc. Donc c'est vraiment... ça vaut beaucoup, beaucoup de coûts. Mais justement, parmi les défis, les deux grands défis, et pour me résumer, il y a justement cette rétention de l'information et il y a aussi les problèmes financiers que connaissent les médias. Voilà. Et vous pouvez garder toujours le micro pour proposer des solutions pour qu'il y ait un climat d'entente, de bonnes collaborations entre les professionnels des médias et des institutions, différentes institutions étatiques et ou non étatiques, en vue de mieux servir les citoyens qui ont besoin d'être informés. Oui, madame disait tout à l'heure qu'un journaliste, avant d'être journaliste, on est citoyen. Oui. Oui, mais il faut qu'on comprenne qu'un journaliste est aussi un citoyen. Et a son droit d'être citoyen, d'être reconnu comme citoyen. Donc, le Burundi, c'est notre patrie. C'est notre patrie qu'on aime. Okay? Mais notre objectif, c'est justement de donner au public une information qu'il faut. Une information et vérifiée, fouillée. Et de qui cette information doit venir, c'est de la part de ces officiels. Comme je vous ai dit, les officiels qui le veulent ou pas, les administrateurs, ils ont un devoir de redevabilité. Et le canal le plus sûr, c'est le canal à travers les médias. Voilà, donc, et normalement, les relations devraient être des relations pas compliquées entre les... Flexibilité des officiels, voilà, c'est ce que vous parce dites. Que, voilà, nous servons le même maître. Et quel est son maître? C'est le public, c'est le citoyen. Voilà. Et moi, placer Claude Nkurunziza. Des propositions. Il faut qu'il y ait collaboration entre professionnels des médias et autorités publiques pour mieux servir la population. Ah, permettez-moi que je puisse revenir un peu en arrière par rapport à la survie des médias, surtout les médias classiques et les médias traditionnels. C'est quand même un problème également planétaire. Hein, depuis un certain temps, grâce à l'émergence des réseaux sociaux, des médias sociaux, donc il revient à nous de pouvoir nous adapter par rapport à cette nouvelle donne qui est là. J'ai vu ce que se passe en France et ailleurs. Finalement, vous voyez, même chez vous, vous êtes obligé de passer par le multimédia pour qu'on puisse atteindre beaucoup de monde, ce qui est une forme d'adaptation. Donc, à un certain moment, ne croyez pas que le Web TV ne fait pas partie des médias sociaux et médias en ligne. Donc, on essaie également de s'adapter par rapport à ces nouveaux médias. Et puis, par rapport au fond des médias, je crois qu'il a un texte, il est là, le problème est au niveau de l'application. Est-ce qu'il pourra nous aider à pouvoir mieux travailler, je ne sais pas. C'est vrai, les médias, ils sont un service public, c'est un service public pour tous les médias, qu'ils soient publics ou privés. On ne fait pas payer les gens qui écoutent Isanganiro, on ne fait pas payer les gens qui écoutent la RTNB. Donc, à un certain moment, on y pense, mais est-ce que ça va nous aider dans notre souci d'être toujours indépendant? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres moyens qui pourront aider à ce que l'on soit indépendant? Je crois qu'il y en a. Et une autre suggestion, c'est par rapport, je crois, à cette relation entre les pouvoirs publics et les professionnels des médias. Tout d'abord, ce qui est très bien, c'est parce que de ces relations, il y en a. Ce ne sont pas quand même tissées pour certains médias, mais il y en a. Et puis également, c'est sur ce point, les gens, la radio traditionnelle, la télévision traditionnelle voudra avoir un son, une vidéo. Alors que c'est lui qui a communiqué ou qui voudrait communiquer a même déjà donné l'information à travers son compte Twitter. Des fois, on a peur d'utiliser même le compte Twitter parce qu'on ne sait pas si c'est vérifié. Est-ce que ce n'est pas également à nous de pouvoir aller encore étudier pour nous adapter à ces nouvelles données? Je crois qu'également, c'est son point, il y a quelque chose à faire. Et puis, troisièmement, on a fait des études, une étude qui a montré que finalement, les informations que nous donnons, des fois, ce ne sont pas des informations qui intéressent le public. On a tendance à donner des informations politiques. Déjà, il y a quelques années, les informations ne sont pas que politiques. Non, je sais. Mais il y a quelques années, plus de 60% des informations qu'on traitait, on parlait de la politique. Comme on est en train de parler de la politique, même ici. il faut, sur ce point, voir. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont intéressés par ce qui est économique, d'autres, le développement social. Mais il y a des informations qui touchent le social, qui touchent le développement, qu'on traite moins par rapport aux informations qui touchent la politique. Et surtout sécurité. Je me souviens quand je suis allé à la REMA FM en 2008, le premier point sur le tableau au cours de, c'était tout d'abord sécurité, deuxièmement politique. Troisièmement, économie et société, on peut aller faire des choses au sport. Et finalement, maintenant, c'est bon, la sécurité, ça a baissé. Est-ce qu'au moins l'économie a monté? Est-ce que vraiment nous arrivons à voir ce que le citoyen lambda qui vit ici ou là, à Bujumbura, comme à Gitega, comme à Changuzo, comme à Nyanzalak, ce qu'il y veut finalement de nous? Voilà. Honorable Terence Manirambona du Parti CNL, il y a des propositions pour que les journalistes puissent bien servir, mieux servir la population, donc les citoyens. Cette collaboration entre professionnels des médias et les pouvoirs publics et, ou non publics. Bon, il faut effectivement améliorer cette collaboration. Parce que si on refuse une information à un journaliste ou à un médium, vous comprendrez que, comme je le disais tout au début, on prive l'information à la population. Ça c'est de un. De deux, nous avons aussi besoin de médias ou de journalistes aussi professionnels. C'est un défi très important. Aujourd'hui, nous observons des fois où des journalistes ou des médias, comme je le disais, qui n'accomplissent pas leurs tâches entre guillemets convenablement ou bien conformément à la loi. C'est un défi aussi qu'il faut évoquer. Mais aussi, il faut que la population ait accès à l'information. Il ne faut pas priver l'information à la population. Mais aussi, il faut que l'information soit équilibrée. Si c'est à la REMA ou si c'est à la Radio Isanganiro ou à RTNBX et autres médias, il faut vraiment tout faire pour que l'information soit équilibrée. Sinon, c'est, comme je le disais, c'est dilué ou c'est une information vraiment qui manque de qualité et qu'il faut pour être bien appréciée par les consommateurs. Mais il faut une information vérifiée, fouillée, équilibrée. Non, c'est Ninette Moutoni. Oui, de bon. Parti CNDD-FDD. Merci. Compte tenu de la responsabilité des médias sur, de par leur rôle ou leur influence sur l'opinion publique, c'est très important que des renforcements de capacités se fassent. Hein, oui. Et d'échanges d'expériences les uns aux autres, ça, c'est primordial. En tout cas, ça, c'est comme un conseil ou un petit clin d'œil. Mais sinon, par rapport à la rétention de l'information, il faut aussi que les professionnels des médias reconnaissent les efforts. Il y a des efforts pour ouvrir ou pour donner à la presse l'accès aux sources d'information. Je peux, à titre d'exemple, citer les émissions trimestrielles. Il y a des émissions chaque 3 mois qui regroupent tous les porte-parole des institutions publiques. Donc, il y a aussi les cellules de communication, il y a des porte-parole dans chaque ministère, il y a des porte-parole dans toutes les institutions. Tout cela, c'est pour ouvrir la voie à la presse. Est-ce que vous estimez que tous les porte-parole sont flexibles face aux journalistes? Ils sont appelés à le faire. Oui. Et puis, c'est leur rôle et ils le font. Parce que quand j'écoute la radio, ce que je fais tous les jours, donc, il n'y a pas une seule journée où j'ai entendu toute une édition du journal sans qu'il y ait l'intervention des officiels. D'accord. C'est déjà ça. Et puis aussi, nous devons aussi nous réjouir des textes hein, qui protègent, mais aussi qui font la promotion de l'accès à l'information pour les journalistes. Mais aussi la synergie des médias. C'est aussi une forme qui montre que finalement, la rétention d'informations n'est plus possible. Donc, si tel ou tel autre n'arrive pas à vous donner l'information, vous êtes sûr que d'une manière ou d'une autre, que vous pouvez le rencontrer et avoir l'info. Et puis aussi, il y a la modernisation des canaux de communication. Je vois que Isanganiro, vous êtes déjà à l'œuvre On tente. Mais c'est très important, très équipé. C'est bon, comme ça, ça nous fait plaisir de voir que donc, cette politique d'accès, de donner l'accès, de promouvoir l'accès du peuple à l'information aussi, parce que ce n'est pas seulement à la presse, mais aussi le peuple doit avoir accès à l'information. C'est très important. Juste pour dire que il faut quand même... Quelques secondes. Oui. Il faut qu'on différencie la communication et le journalisme. Moi, ensemble. Moi, je suis ici comme journaliste, je ne suis pas ici comme un communicateur. Donc, il y a une nuance. Si vous voulez, bon, je peux étayer, mais peut-être... Si on a un peu de temps, puisqu'il y a une confusion. Il y en a qui veulent nous traiter ou bien qui veulent que nous travaillions comme si nous étions des communicateurs alors que nous sommes des journalistes. Merci, Léandre Sikuyavuga. Je rappelle que vous êtes le directeur des publications au sein du groupe de presse Iwachu. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Claude Nkurunziza. Vous êtes le directeur de la radio-télévision REMA. Merci d'être venu et merci de votre contribution à cette émission. Merci beaucoup. Merci également à vous, honorable Terence Emanilambona, porte-parole du parti SNL. Merci d'avoir participé et contribué à cette émission Mosaïque. Je vous remercie également. Et merci à vous, Nancy Ninette Moutoni. Vous êtes la commissaire nationale chargée de la communication au sein du parti CNDD-FDD, parti au pouvoir. Merci d'être venu et merci de votre contribution. Merci aussi et merci à la radio Isanganiro pour cette promotion de l'accès de l'information au public. Merci. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Elle a été mise en onde par Eric Ouimana, réalisation de Jérôme Nyonzima, prise d'image de Renaud Nyongheza et Dorine Ouimana, et au micro, vous étiez avec Léonce Vitalio. Merci de nous avoir suivis et gardez l'écoute, nos programmes continuent sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.